Bien sûr, il y a Spider-Man, omniprésent sur les cartables de nos bambins. Mais cela ne suffit pas pour faire de l'araignée une bestiole populaire. Toujours, sa mauvaise réputation la précède. Certains redoutent ses multiples pattes. L'idée de ses yeux par paires trop nombreuses en angoisse d'autres. Résultat, la tisseuse de toile est dénigrée, redoutée, repoussée. Pourtant, si l'araignée est venimeuse, elle n'est pas pour autant dangereuse. Et sans ce formidable insecticide naturel, nous croulerions sous les mouches. Araignée, la bête à bon dos. C'est le sujet pour casser les clichés de l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors pour parler des araignées durant l'heure qui vient, ses caractéristiques étonnantes, presque ses super pouvoirs, et pour parler de toutes les bonnes raisons que l'on a d'être fasciné par elles plutôt qu'effrayé, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Christine Rollard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, biologiste, et vous êtes spécialisée dans les araignées. Tout à fait. Frédéric Isnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Rennes, responsable de l'équipe de biodiversité et gestion des territoires de l'Université de Rennes 1. Et vous êtes en duplex, depuis Rennes, chez nos amis de France Bleu Armorique. Alors, comme chaque jour, l'émission est à écouter en direct sur les ondes de France Culture, mais il y a toujours la séance de rattrapage qui est possible en allant sur le site web de France Culture, franceculture.fr. Vous pourrez écouter l'émission en replay. Elle est aussi accessible en podcast. Il suffit d'utiliser votre appli préférée. Nous sommes aussi sur la toile des réseaux sociaux. Sur Twitter, l'adresse de la méthode scientifique, c'est @laméthodefc. Durant toute l'heure qui vient, nous posterons les images qui vont bien, les sources, les papiers qui permettent d'explorer plus avant le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc les araignées. Et pour commencer, je voulais évoquer un papier qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a quelques semaines dans la revue Science, et qui parle d'un comportement très original, qu'on peut résumer en une phrase. On a vu une araignée allaiter ses petits. Alors, ça se voit pas à la radio, mais j'utilise le verbe allaiter avec des guillemets, Christine Rollard. Oui, je pense qu'il vaut mieux mettre des guillemets. Effectivement, les collègues asiatiques qui ont publié ça ne sont pas eux-mêmes arachnologues. Hein. Ils travaillent en fait sur des comportements. Ils ont fait une liaison avec effectivement l'allaitement des mammifères, qui est un peu osé, puisque en fait il n'y a pas de laitage à proprement parler émis par cette araignée, une petite araignée sauteuse, mais il y a un liquide qui sort et il n'y a pas de comparaison avec les araignées qui, dans de toute façon le monde qu'on connaît au niveau des soins aux jeunes, peuvent aussi régurgiter ou faire des pontes pour nourrir les araignées. Donc il y a pas, c'est pas quelque chose d'inconnu. Hein. Qu'ont-ils vu, en fait, ces scientifiques chinois? Je crois que d'abord, ils travaillaient sur une certaine espèce d'araignée, une petite araignée sauteuse. Oui, voilà, une petite araignée sauteuse. Qui ressemble d'ailleurs à une fourmi quand on la voit. Oui, elle est myrmécomorphe, effectivement. Et ils ont constaté que les juvéniles, les petits, avaient tendance à s'attarder auprès de la mère, ce qui déjà est un comportement un peu bizarre. C'est un peu particulier, mais qu'il y ait des jeunes qui soient près des femelles, en fait, après la sortie des œufs, c'est déjà observable chez d'autres espèces. Mais là, effectivement, ils se sont rendus compte qu'au niveau d'une fente où il y a justement l'ouverture génitale des femelles, il y avait une sorte de liquide un peu jaunâtre qui était émis et que les jeunes venaient effectivement absorbé. Qu'est-ce que c'est exactement? L'analyse n'a pas été forcément poussée. Il est possible que ça soit quelque chose qui est très protéinique, puisque ça nourrit les petits, comme un peu des œufs avortés ou le liquide qui entoure les œufs au moment de la ponte. Donc là, il y a encore des choses à effectivement analyser dans ce sens-là. Alors évidemment, le papier a eu beaucoup de succès médiatique, ça a été énormément partagé sur le web, parce que ça convoque des images un peu étranges, hein, on a l'impression, les petites araignées qui vont à la tétée, c'est très particulier. Oui. Mais donc, en aucun cas, il ne s'agit de lait, ce sont des œufs non matures. Ben, on peut supposer, hein, on ne sait pas exactement encore, et puis c'est, même si c'est pas, enfin bon, si c'était peut-être un peu exagéré au niveau du terme, c'est quelque chose qui est pour la première fois vu dans le sens où les jeunes restent assez longtemps, justement jusqu'à la phase adulte, près de la mer pour pouvoir se nourrir de ça. Ce qui n'avait pas été observé jusqu'à présent. Ils font un peu des extrapolations en disant que des comportements d'allaitement longs n'avaient été constatés que chez des espèces évoluées comme les éléphants par exemple. Là on est carrément un petit peu dans l'outrance. Je pense qu'on est dans l'outrance effectivement, si je me permets. Frédéric Hisnel, des juvéniles qui s'attardent auprès des mamans araignées, ça s'observe facilement dans la nature? Parce que vous, finalement, votre rapport à l'araignée, c'est quand même celui de... C'est l'homme de terrain qui les voit in situ. Oui, oui, c'est sûr que moi je m'intéresse plus aux inventaires et à la diversité des espèces, beaucoup plus qu'aux soins que la mer peut apporter aux jeunes. Mais le fait que les jeunes restent agrégés finalement auprès de la mer, ça arrive chez certaines espèces. Il existe chez toutes les araignées européennes, en fait, lorsqu'il y a émergence du cocon, les jeunes restent en phase grégaire. Jusqu'à un certain moment où le comportement finalement prédateur va se manifester et il se disperse. Donc certains n'ont plus leur mère, puisque la mère meurt en fait lors de la ponte, mais certains, notamment chez certaines araignées loups, arrivent à monter sur le dos de la mère et la mère les transporte comme ça pendant un certain moment. Ils vivent, les jeunes, aux dépens de leurs réserves vitellines qu'ils ont toujours, qu'ils ont accumulées, et quand ces réserves vitellines se font un peu plus rares, eh bien les jeunes vont se disperser. Donc c'est ce qui arrive de mieux pour la mère, mais parfois chez certaines espèces, les jeunes, avant de se disperser, vont arriver à dévorer la mère, qui en fait se donne complètement pour la pérennité de sa progéniture. Voilà, ce qui est intéressant, au-delà de l'anecdote de cette histoire d'araignée allaitante, c'est qu'elle donne à voir un petit peu la grande diversité de comportements que la mère araignée a par rapport à sa progéniture. Christine Rollard, je crois qu'on parle pour certaines espèces de maman taxi. Oui, un petit peu. Justement, celle qu'évoquait Frédéric Hisnel sur celles qui sont les jeunes qui sont portés en fait sur le dos de la mère, ce qu'on rencontre d'ailleurs chez les araignées, mais chez aussi beaucoup d'autres arachnides, puisqu'elles font partie d'un grand groupe qu'on appelle les arachnides. Donc on retrouve ça chez les scorpions, etc. Et donc du coup, effectivement, de toute façon, les femelles meurent en général après la ponte, avec des soins ou pas aux jeunes, et c'est la fin de leur vie. Donc elle peut servir effectivement de première nourriture et d'apport protéinique et énergétique en fait aux jeunes. Avant que l'émission commence, je vous citais cet exemple d'une araignée qui semble programmée pour commencer à se liquéfier de l'intérieur à partir du moment où la ponte s'enclenche. Et je pense que c'est, oui, effectivement, c'est quand même assez intéressant aussi, et ça montre, comme vous le disiez, la diversité du monde des araignées qu'on ne soupçonnait pas en fait auparavant au niveau des comportements et des modes de vie. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h10, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique. Nous sommes en compagnie de Christine Rollard et de Frédéric Hisnel, qui est à Rennes, dans les locaux de nos amis de France Bleu Armorique. Alors, commençons par le commencement, comme on dit, avec une question de définition, et puis on va rappeler quelque chose qui revient sempiternellement, mais il faut encore le dire. Non, les araignées ne sont pas des insectes. Ah, j'aime entendre ça. Christine Rollard. Oui, effectivement, il faut le redire régulièrement, d'autant plus qu'on trouve encore des ouvrages où les araignées sont assimilées aux insectes. Donc les araignées ne sont pas des insectes, elles ont quelques caractéristiques, on va dire rapidement, morphologiques, qu'on peut observer. 4 paires de pattes, les insectes n'en ont que 3, les insectes ont des antennes, les araignées n'ont pas d'antennes. Les insectes ont 3 parties dans le corps, les araignées ont 2 parties dans le corps. Ça, c'est intéressant, parce que quand on a une photo d'araignée sous le nez, ça semble évident, mais on n'y pense pas forcément. Le corps de l'araignée, il est vraiment composé de, simplement, si j'allais dire, 2 morceaux. Frédéric Hisnel, il y a l'abdomen et puis il y a ce qu'on appelle le céphalothorax. Je vois que vous avez ouvert les bons ouvrages. Effectivement, on parle de deux parties. En fait, ce sont des regroupements en fait de parties fonctionnelles. Donc la partie céphalique est regroupée en un ensemble avec la partie thoracique. C'est pour ça qu'on appelle cela le céphalothorax. Elle a la tête encastrée dans le corps, quoi, finalement. Dans le thorax, plus précisément. Et effectivement, après, on a la partie abdominale. Alors, un petit complément aussi sur les caractéristiques morphologiques qui font qu'une araignée est une araignée, c'est que si l'on regarde la partie abdominale, notamment en face ventrale, vous avez ces fameuses filières qui vont produire de la soie, et la position de ces filières, en fait, qui sont des appendices modifiés à la fin de l'abdomen, et bien ça caractérise le groupe des araignées. Oui, c'est important à dire d'ores et déjà. Toutes les araignées produisent de la soie. Voilà, c'est ça. En fait, en général, ce qui est donné en général, c'est les araignées font des toiles, ce qui est faux. Toutes les araignées ne font pas de toiles, mais par contre, elles produisent effectivement des fils de soie. Une autre caractéristique de l'araignée, ce sont ces deux autres paires d'organes qu'elle a au bout de la tête et qui lui servent à palper. Alors, il y en a une, ça m'a fait penser un peu aux moustaches du chat, parce que c'est ce qui lui sert à sentir ce qu'il y a autour d'elle. Oui, c'est une petite paire de pattes qu'on appelle les pédipalpes, qui sont souvent très soyeux, effectivement, avec des milliers de soies sensorielles qui permettent à l'araignée de goûter, de toucher, en fait. Vous dites souvent, Christine Rollard, que le monde des araignées, c'est un monde sensitif, un monde soyeux. Oui, j'exagère peut-être un petit peu, mais on est dans le monde soyeux, sensoriel, sensitif et sensible. Ça définit mieux les araignées. Alors, il y a ces pédipalpes qui servent à palper, à tâter, et la paire de, effectivement, chélicères, c'est-à-dire des tiges qui portent des crochets, un peu l'équivalent des mandibules chez les insectes. Voilà. Et alors, ces crochets, Frédéric Isnel, c'est vraiment c'est l'arme fatale de l'araignée. Ça, pour elle, oui. Pour elle, c'est une arme fatale dans la mesure où ça lui permet donc d'injecter ce fameux venin, quoique il y a une famille qui ne possède pas de venin, mais bon, la majorité possède du venin, injecter du venin donc pour immobiliser ses proies et donc pouvoir ensuite les ingérer. Et alors le venin peut avoir une double action, en fait. Il a une action protéolytique, c'est-à-dire qu'il va commencer à dissoudre un petit peu les tissus de la proie, et il a aussi une action sur l'immobilisation de la proie, une action neurotoxique, donc qui va finir par tuer la proie avant, bien sûr, de pouvoir l'ingérer. Là, on évoque quelque chose qui est très particulier aux araignées, et je crois qu'il y a peu d'autres exemples dans le règne animal, c'est que la digestion de l'araignée, elle démarre à l'extérieur de son corps. Oui, elles font effectivement une exodigestion. Mais ce n'est pas seulement les araignées, il y a aussi d'autres arachnides qui le font. Et effectivement, le venin va participer avec les enzymes à cette liquéfaction externe. Donc elles font une exodigestion et ensuite elles absorbent en fait cette bouillie, ce liquide, donc grâce au tube digestif et un jabot aspirateur qui fait une sorte de pompe pour aspirer effectivement ce liquide. Alors, puisqu'on est en train de dessiner cette photo d'identité de l'araignée, on a bien dit que c'est 8 pattes, 8 pattes à la place de 6 pour les insectes. Qui sont bien accrochées sur le céphalothorax et non pas sur l'abdomen aussi. Et qui n'ont d'ailleurs pas le même rôle. Pour les pattes, elles servent en fait à se mouvoir. On les appelle quelquefois les pattes marcheuses ou locomotrices en fait. Mais certaines pour se projeter, d'autres pour... Certaines sont assez musclées, et effectivement, on a quelques araignées qui sont plutôt passives et qui sont sur des toiles, des toiles pièges, où effectivement, c'est également une demeure, et d'autres qui sont beaucoup plus mobiles, et certaines, comme les araignées sauteuses, par exemple, les salticines, vont avoir des pattes un peu plus trapues qui vont leur permettre de faire des bonds quelquefois assez importants par rapport à leur taille. Oui, assez prodigieux, j'avais lu que c'était comme si un homme faisait un bond de 100 mètres de oui. Alors, on va essayer de diminuer par rapport éventuellement à des gens qui sont peut-être phobiques. Ce sont des araignées quand même qui mesurent autour de 5 mm en général, d'accord. Alors, dans ce portrait global de l'araignée, il y a quelque chose aussi de très singulier, Frédéric Isnel, ce sont ses yeux. Oui, les yeux des araignées sont assez particuliers. Bon, ce ne sont pas des yeux qui vont permettre, comme les yeux des insectes, en fait, de beaucoup d'insectes, comme par exemple les libellules. Ce ne sont pas des yeux à facettes. Ça ne produit pas d'images composées sur le cerveau, mais les araignées vont pouvoir enregistrer des variations d'intensité lumineuse, donc savoir s'il fait jour, s'il fait nuit. Elles vont pouvoir percevoir des formes globales, éventuellement des couleurs, mais ce sont des yeux qui sont des yeux simples, qui ne forment pas d'images composées sur le cerveau. Alors elle a un problème à mesurer les distances ? Probablement, oui. Simplement, comme le disait Christine, justement, elle est armée en plus d'un certain nombre de soies sensorielles. Ce sont des mécanorécepteurs, c'est-à-dire qu'ils vont, ces soies vont pouvoir percevoir les vibrations mécaniques, donc percevoir les vibrations d'ailes d'une mouche ou d'une abeille. D'ailleurs, elle est capable de distinguer a priori les vitesses de vibration, les fréquences de vibration de certains ailes des insectes grâce à ces mécanorécepteurs. Et elle possède aussi des soies sur les pattes qui sont plutôt des chimiorécepteurs et qui vont être sensibles en fait aux molécules volatiles. Et elle peut percevoir en quelque sorte des substances produites par d'autres proies pour se diriger vers ces proies-là, voire des substances produites par des proies qui seraient a priori dangereuses et qu'elle va délaisser en percevant donc en fait son environnement grâce à cet équipement sensoriel et non pas uniquement visuel. En fait, je crois que la plupart des araignées voient pas grand chose à part certaines familles qui chassent le jour, comme par exemple les araignées loups dont on parlait tout à l'heure, ou éventuellement les saltiques qui sautent, dont on parlait tout de suite, qui elles vont avoir une vue relativement développée et percevoir une grande partie de leur environnement grâce à des stimuli visuels. Mais la plupart du temps, ce sont des stimuli réceptionnés par les soies sensorielles qu'elle a tout autour des pattes. Alors, parce que c'est quand même un comble de penser que l'araignée ne voit pas bien, parce que quand on a 8 yeux, 6 ben oui. yeux, bah, elles n'ont pas toutes le même nombre d'yeux, hein, n'est-ce non. pas Christine Rollard ? Non, voilà, c'était un complément aussi à donner, c'est que les araignées, on a quand même 118 familles au monde, ça va de aucun œil, hein, et jusqu'à 8 pour la majorité des familles, 6 à 8. Hein. Donc il leur permet souvent d'avoir une vision un petit peu périphérique avec les angles de vision et de percevoir l'environnement. Alors quand on lit ou quand on entend que les araignées voient mal, c'est faux. Elles voient dans leur environnement. Il faut encore se replacer dans leur monde, dans leur environnement, et comme le précisait Frédéric, c'est suffisant. Hein. Et selon les modes de chasse et autres, donc la vision est plus ou moins développée. Mais c'est de toute façon une vision simple qui n'a pas de focale, hein, donc elles ne peuvent pas faire de mise au point, effectivement, et c'est souvent à courte distance. Donc la vue, l'odorat, je crois que ça a été cité par Frédéric Isnel, évidemment. Grâce aux soies, en fait. Le toucher. Chimioréceptrice et le toucher, hein, donc les soies mécanoréceptrices. Alors ça, ce sont des caractéristiques qu'on trouve chez toutes les espèces d'araignées. Et quand je dis toutes les espèces d'araignées, ça fait vraiment beaucoup d'araignées. Oh oui, parce qu'on est rendu à l'heure actuelle à plus de 47 800 espèces décrites dans le monde. Hein. Donc on est à autour de 1750 en France. Frédéric Snell, vous travaillez surtout sur des terrains français ? Oui, essentiellement, parce qu'on a une beaucoup de demandes, avec, notamment les gestionnaires d'espaces naturels, qui s'intéressent en fait à l'état de santé de leur milieu, en considérant plusieurs compartiments de la biodiversité, les vertébrés, les invertébrés, et ils s'intéressent aussi beaucoup aux araignées, parce que les araignées nous apportent des renseignements sur la qualité des habitats, des habitats naturels, et je travaille beaucoup sur site, en fait, sur la région Bretagne. Mais il nous arrive d'aller faire quelques missions à l'étranger qui sont plus des missions d'inventaire, de complément, de connaissances sur la diversité des espèces, beaucoup moins que de l'écologie fine sur l'évaluation de la qualité des milieux. Mais je crois que vous étiez d'ailleurs récemment en mission avec Christine Rollard en Corse, non ? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Nous étions en mai en Corse, hein, donc c'est des missions qui sont effectivement demandées par la direction régionale de Corse pour avoir justement une idée un petit peu de la diversité aranéologique, hein, qu'il peut y avoir sur un certain nombre de sites en Corse qui peuvent être très intéressants. Donc sur ces plus de 47 000 espèces d'araignées différentes dans le monde, Frédéric Isnel, vous diriez que vous êtes familiarisé sur le terrain avec à la louche combien ? Oula. Oula. Bonne question. Oui, on en apprend tous les jours. Disons que si j'arrive à identifier 500 espèces, je suis content. Oula. C'est un bon là. Oui, alors, je suis bon. Ouais. Là, 500 espèces bretonnes, hein, parce qu'après, ça, ah, commence, oui, même, d'accord. Ça okay. commence à être compliqué. Oui. Et alors vous, Christine Rollard, travaillant au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous êtes au milieu d'une une pépinière d'araignées. Parce le MNHN, je crois, il possède la troisième plus belle collection d'araignées au monde. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup en fait, de collections très importantes au niveau mondial dans cet établissement. Et effectivement, la collection d'araignées est une des trois plus grandes collections mondiales au niveau du nombre d'espèces donc présentes, c'est-à-dire à peu près 25 000 espèces sur les 47 800. Quoi. 25 000 sur quelle? Oui, tout à fait. Donc c'est énorme, ça fait à peu près, alors en individu, on est autour de 2 millions d'individus. Alors j'ai l'impression que quand on aime les araignées, vraiment on les aime beaucoup, et que ce recensement très conséquent au MNHN, il vient notamment d'un grand ancien qui s'appelle Eugène Simon. Qui à lui tout seul en a répertorié au 19e siècle près de 4000. Oh là, oui, c'était vraiment le naturaliste comme on les imagine à une certaine époque, hein, puisqu'il est, il est né en 1848 et mort en 1923. Et ça a été le premier qui a vraiment enrichi cette collection d'araignées au muséum avec des spécimens qu'on a depuis plus de 150 ans dans l'alcool, en fait, à l'heure actuelle. Alors il y a des. On va reparler de votre lieu de travail tout à l'heure avec le reportage. Il y a des photos, on va les mettre sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Mais donc, il y a des bocaux comme ça dans votre bureau, de bocaux de formol avec des araignées. Alors, c'est pas du formol, attention. Hein. Donc, on est dans un conservateur qui est plutôt de l'alcool à 70-75 degrés, qui permet de mieux conserver en fait les araignées, qui ont un corps quand même un peu carapaçonné, on va dire, mais la partie abdominale est un peu plus molle. Donc, si on veut regarder des caractères et identifier, il vaut mieux les garder dans du liquide et non pas à sec pour pas que l'abdomen se rétracte. Donc, ce sont des tubes avec les petites étiquettes, toutes les informations, un petit coton, de l'alcool et mis dans des bocaux. Et donc, on a un certain nombre, à peu près autour de 6000 bocaux dans cette collection du muséum. Et donc, vous avez des collègues qui viennent du monde entier pour jeter un œil sur des spécimens? Ce sont des collections de recherche, hein, donc des collections qui permettent de... C'est pas là pour faire joli, c'est pas... Ah non, pas vraiment, hein, et ça fait pas très joli, effectivement, d'avoir... on n'est pas dans une belle collection d'insectes punaisés, enfin, ou piqués et autres. Ça perd ses couleurs, en plus, dans l'alcool, donc ça reste après quelque chose de pas très montrable, entre guillemets, mais très important pour les chercheurs qui font de la systématique, de l'identification et de la classification. Alors, on vient de parler d'un grand arachnologue, Eugène Simon. On va écouter maintenant une archive dans laquelle on entendra l'entomologiste Lucien Berland, qui est un ancien sous-directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un extrait d'une émission qui a été diffusée sur la RDF le 8 avril 59, et dans laquelle il parle en particulier d'une espèce star des araignées qui sont les mygales. Les mygales habitent toutes les régions tropicales et débordent même sur les pays tempérés. États-Unis, région méditerranéenne. Elles ne sont pas toutes gigantesques. La plus petite se trouve aux îles Fidji et n'a guère plus de 12 à 15 mm de long. On les reconnaît tout de suite à des caractères bien nets. Quatre taches claires à la face ventrale marquant l'emplacement des organes respiratoires ou poumons et les deux crochets dirigés en avant du corps parallèles l'un à l'autre. On compte au moins 2000 espèces de mygales et l'Amérique du Sud, surtout le Brésil, en détient environ la moitié. Elles sont assez nombreuses en Afrique noire et en Asie tropicale. Leur longévité est très grande. On a pu en conserver vivantes jusqu'à 7 et même 9 ans. Et il est certain qu'elles peuvent vivre au moins 20 ans. La maturité sexuelle se manifeste vers la 4e ou 5e année, et par la suite, la femelle continue à pondre et à muer régulièrement. Un fait assez saisissant est que ces grosses araignées n'ont presque jamais laissé de restes fossiles, alors qu'on en connaît de très nombreux pour les autres araignées. On peut objecter que la plupart des araignées fossiles, et des insectes aussi, viennent de l'ambre, qui était la résine d'une conifère spéciale vivant jadis dans une contrée où se trouve maintenant la mer Baltique, mais aussi dans d'autres régions, et toujours à un âge donné de la Terre, l'Oligocène, c'est-à-dire au début du tertiaire. Christine Rollard, une réaction sur la personnalité de Lucien Berland? Ah oui, effectivement, en fait, c'est étonnant de l'entendre comme ça, parce que j'ai lu, en fait, bien sûr, quand j'ai commencé à travailler sur les araignées, des ouvrages, et en particulier, justement, ceux de Lucien Berland, donc les araignées et tout ce qu'il pouvait raconter, un petit peu pour quelquefois à la méthode un peu de Jean-Henri Fabre, avec les souvenirs entomologiques, avec ses observations. Et bah, c'était quelqu'un qui effectivement a découvert un certain nombre de choses, a expliqué un petit peu aussi les araignées, leur comportement, et qui a ouvert un peu plus ce monde-là vers l'extérieur. Donc ça, c'était vraiment très important. Alors, il parle d'un élément très intéressant, Frédéric Isnel, qui est l'ambre. Mm-mm. Et l'ambre, c'est cette résine fossilisée dans laquelle on a retrouvé les plus anciennes araignées. Elles datent de quand, ces anciennes, ces vénérables araignées ? Alors, dans l'ambre, en fait, on a retrouvé la plupart des familles que l'on retrouve actuellement, il y a à peu près 135 millions d'années, où on a pu dater ces espèces-là. Mais en fait, ce ne sont pas les espèces les plus anciennes, puisque on a retrouvé des fragments de filières fossilisées dans des gisements en Amérique du Nord il y a à peu près 400 millions d'années, mais bon, on a juste retrouvé des filières, encore on n'en est pas sûr. Et en fait, c'est l'ambre qui nous donne le plus de preuves d'araignées ancestrales conservées, mais c'est 135 millions d'années à peu près, quoi. Christine Rollard. Oui, en fait, la plus ancienne vraiment attribuée, la plus ancienne trace fossile attribuée aux araignées, d'après les collègues qui travaillent vraiment en fait sur les traces fossiles, c'est plutôt 305 millions d'années maintenant. En fait, c'est remonté un petit peu. C'est effectivement, un petit peu. Bon. Voilà, tout à fait. Mais ce qu'on avait trouvé en fait il y a 400 millions d'années ne serait plus à rattacher en fait aux araignées à proprement parler. Et comme le disait Frédéric, c'est vrai que ces traces très anciennes, c'est difficile à interpréter, puisque c'est des morceaux. C'est les araignées fossilisées, et Lucien Bernand le disait, c'est quelque chose qui est très très très ponctuel. On n'a pas énormément de choses. Le corps n'est pas assez résistant. Voilà, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que on a beaucoup plus en fait effectivement d'araignées maintenant depuis 135 millions d'années dans des ambres, fossilisées. Et là, on se retrouve avec les mêmes familles que celles qu'on observe à l'heure actuelle. Il y a seulement 8 familles qui ont disparu depuis cette époque. Alors, en tout cas, ça veut dire que les araignées sont arrivées avant les dinosaures ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne référence en général, même pour le public et les enfants, de se dire, oui, elles étaient là avant les dinosaures, donc c'est vraiment très ancien. Et ça montre, en fait, que depuis toutes ces millions d'années, elles se sont diversifiées, elles ont eu le temps de se diversifier, de s'adapter, de développer, en fait, des techniques aussi de reproduction, de chasse, etc. Et qui expliquent un petit peu cette diversité que l'on observe à l'heure actuelle. Mais une diversité qui est apparue très rapidement. Au fur et à mesure, effectivement, quand même, et depuis 135 millions d'années, c'est celle qu'on observe en ce moment. Alors, dans cet océan d'araignées, il y a quand même certaines qui surnagent, si je puis dire. Il y a la fameuse mygale, on vient d'entendre l'extrait où il en était question. Oui, effectivement. D'ailleurs, le nombre a augmenté depuis effectivement cette époque de 1950 et quelques, puisqu'on est rendu à presque 3000 espèces de mygales au monde, sachant que les mygales sont beaucoup plus diversifiées que ce qui était évoqué, puisque la taille va de 1 mm à 13 cm de taille de corps. Et puis que la durée de vie peut effectivement être de quelques années jusqu'à plus de 20 ans. La mygale, c'est Frédéric Isnel, c'est l'araignée qui frappe le plus l'imaginaire. Certainement. Le nom de mygale, de toute façon, déjà ça fait peur aux gens, alors que finalement on a une diversité d'espèces de mygales qui ne sont pas plus dangereuses que d'autres espèces d'araignées. Et par rapport à ce que disait Lucien Berland, donc leur reportage est assez émouvant, c'est vrai que c'est la première fois qu'on l'entend. D'habitude on le lisait, mais on l'entend. Et donc maintenant les connaissances ont forcément un petit peu progressé, notamment sur la distribution de ces fameuses mygales, puisque lui, si je me souviens bien, disait que ça s'arrêtait donc dans les régions méridionales pour l'Europe, et bien sûr dans les régions intertropicales. Et puis bien maintenant, on sait qu'il y a des mygales en Bretagne, sans problème, et puis même plus nordique jusqu'au Danemark. Mais ce sont des petites mygales en Bretagne. Oui, des petites mygales, mais il ne faut pas associer, comme le soulignait Christine, forcément mygales à bestioles gigantesques. Oui, vous avez toutes petites mygales, et nos mygales bretonnes, qui sont des mygales fouisseuses d'ailleurs, font un centimètre et demi au stade adulte. Donc elles sont particulièrement gentilles, peu agressives. Bon, leur venin peut avoir Christine une action Rollard sur a pas l'air d'être complètement sur la même longueur d'onde. Non, c'est le terme, Frédéric gentil, ni méchante ni gentille, elles sont ce qu'elles sont. Voilà, elles sont ce qu'elles sont. Non, c'était pour désamorcer un peu les bombes. Oui, oui, tout à fait. Donc elles ne sont pas agressives vis-à-vis de l'homme, d'autant plus qu'elles vivent dans des milieux où finalement elles rencontrent très rarement des humains, et donc faut vraiment aller les chercher, les déterrer pour les voir. Par contre, leur venin peut potentiellement avoir une action sur le vertébré. Ça, c'est pas interdit. Et alors, parmi toutes ces espèces d'araignées, bon, il y en a quand même une que j'ai retenue, c'est l'araignée qui n'est pas carnivore. Ah, l'araignée qui n'est pas carnivore. Alors, elle est quand même carnivore. Ah bon, alors... Oui. Il n'y en a aucune qui soit complètement végétarienne, en fait. Elle a un beau nom, Bagheera Kipligi. Ils ont lu le livre de la jungle. Oui, c'est ça, c'était en relation avec le livre de la jungle. Un petit clin d'œil, on va dire. Mais elle garde toujours dans son régime, en fait, une part de carnivore. Hein. Mais elle se nourrit, effectivement, principalement d'exudats, en fait, d'acacia. Elle est flexitarienne. Elle est flexitarienne. Et d'ailleurs, quand l'atmosphère s'assèche, elle va revenir, en fait, à une alimentation beaucoup plus carnivore. Évidemment, ça s'appelle Lady Spider par John et Jen. À 16h30, pour sur France Culture, on parle des araignées. On est avec une autre Lady Spider, si je puis me permettre, Christine Rollard, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, biologiste spécialisée dans les araignées, évidemment. Et depuis France Bleu Armorique à Rennes, nous sommes avec Frédéric Isnel, maître de conférences de l'Université de Rennes, responsable de l'équipe de biodiversité et gestion des territoires de l'Université de Rennes 1. Alors, ça a été dit en fin de la partie précédente, si les araignées font peur, c'est peut-être parfois en question du venin qu'elles peuvent délivrer. Néanmoins, je le disais dans l'intro, c'est pas parce qu'une araignée est venimeuse qu'elle est dangereuse, Christine Rollard. Oui, tout à fait. Je le précise et je l'assène régulièrement. Venimeux égale porteur de venin, pas forcément dangereux pour l'homme, ni douloureux éventuellement. Donc il faut vraiment distinguer les termes. Et un animal venimeux a besoin de son venin, on l'a mentionné, en particulier pour se nourrir et liquéfier ses proies, principalement. Et d'ailleurs, en cas de morsure éventuelle chez l'homme, ce qui arrive déjà rarement, il n'y a pas forcément d'injection de venin, puisque c'est un poison précieux pour se nourrir. Elle peut mordre sans injecter le venin. Exactement, il y a des morsures qui peuvent être sèches ou blanches. Donc, mais finalement, des araignées dangereuses pour l'homme, il y en a combien ? On a bien dit qu'il y avait plus de 47 000 espèces dans le monde. Oui, tout à fait. Et on a l'habitude de dire que celles qui peuvent provoquer quelques réactions locales, en fait, chez l'homme, c'est une centaine d'espèces, et potentiellement dangereuses, hein, puisque aucune n'est mortelle, par contre. Hein. Potentiellement dangereuses, c'est, on va dire, une quinzaine d'espèces. Donc c'est très très peu par rapport au nombre entier. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est potentiellement dangereux que la rencontre avec l'homme se fera facilement. Hein. Donc on diminue vraiment cet aspect-là aussi. Frédéric Isnel, c'est grâce à ce venin que l'araignée est ce que l'on peut appeler un super insecticide naturel ? Complètement. C'est surtout à qui s'adresse ce venin et pour qui est ce venin. Et en fait, la plupart des araignées vont avoir comme type de proie des insectes, donc des espèces proies qui sont en rapport avec leur taille ou un petit peu plus grande qu'elles, dans la mesure où elles peuvent utiliser des toiles pour piéger des insectes un peu plus grands. Donc la densité en fait des araignées que l'on peut trouver dans certains systèmes naturels vont faire que tout ensemble, en fait, si l'on regarde ce qu'elles peuvent faire comme capture au cours de leur cycle biologique, ça peut être assez conséquent. Et titre d'exemple, donc nous avions travaillé sur une bordure d'étang dans de la végétation de bordure d'étang et sur en Bretagne et sur un hectare, par exemple, on était arrivé à dire que sur un cycle annuel, la population d'une espèce d'araignée pouvait ingérer jusqu'à 18 kilos d'insectes. Donc c'est énorme. Et ça montre bien que l'absence de l'araignée pourrait avoir des conséquences immédiatement sensibles. Dans toute chaîne trophique, dans tout réseau trophique, si jamais il y a une partie de la chaîne trophique qui disparaît, ou une partie des prédateurs, ou éventuellement des populations proies qui disparaissent, en fait vous allez tout déséquilibrer. Donc ça c'est une évidence. On dit aussi que ce rôle d'insecticide, l'araignée, elle le joue aussi à la maison. Bien sûr, puisqu'on dit effectivement dans les adages populaires qu'une maison avec des araignées est une maison saine. Alors on fait encore référence à nous quand même, hein, parce qu'assainir une maison, on a toujours des animaux autour de nous, hein, quels qu'ils soient, même microscopiques. Mais l'araignée participe effectivement à débarrasser l'habitation de mouches, de moustiques, de mites, de cafards, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle joue son rôle d'insecticide naturel à l'intérieur effectivement des habitations. Alors si on voit que le venin de l'araignée finalement il est de peu de cas pour les hommes, finalement d'où elle vient cette peur de l'araignée? Est-ce que c'est quelque chose de culturel? Alors c'est assez culturel effectivement et ce côté dangerosité c'est pas forcément toujours ce que les phobiques vont mettre en avant, hein, puisque quelquefois il y en a qui disent oui je sais bien que ce n'est pas dangereux pour moi, mais ça va être effectivement l'objet phobique en lui-même, c'est-à-dire l'aspect, les pattes, le déplacement, hein, donc le fait qu'elle ait aussi un certain nombre d'yeux, vous l'évoquiez au départ, donc c'est une approche en fait qui est complètement personnelle, hein, et il y a quelque chose en fait dans cette phobie, donc cette association d'idées qui va être vers l'objet phobique avec sa morphologie, avec ce qu'on va mettre derrière, avec les idées reçues qui traînent, et puis quelquefois quelque chose de plus profond en fait, hein, donc qui s'est focalisé sur l'araignée mais qui va au-delà en fait de cet objet phobique. Frédéric Isnel, pour travailler comme vous le faites sur le terrain, il faut quand même jouer un peu sur sa peur de l'araignée ou on l'a pas du tout? La peur de l'araignée, on l'a ou on l'a pas? On l'a peut-être un tout petit peu au départ, mais on très très vite on l'oublie ou on la maîtrise ou quelque part on en rit parce que quand on voit la diversité des espèces que l'on peut trouver, la taille des espèces que l'on peut trouver et le fait de les manipuler régulièrement sur le terrain pour les inventorier, on s'aperçoit qu'il y a quasiment aucun danger et puis bah finalement on finit par s'attacher. En fait c'est la méconnaissance qui fait la peur. À partir du moment où on commence à connaître un groupe taxonomique quel qu'il soit, eh bien on peut dépasser ses préjugés, donc il y a aucun problème là-dessus, quoi. Alors en préparant cette émission, on est quand même tombé sur une étude qui a été faite en Allemagne au Max Planck Institute par une équipe de psychologues. Ils ont montré à des bébés de 6 mois des photos de fleurs, de ceci, de cela et d'araignées. Et ils ont quand même noté une dilatation de la pupille plus importante de la part de ces poupons quand on leur montrait des images d'araignées. Et ils en sont arrivés à la conclusion que la peur de l'araignée, comme celle des serpents d'ailleurs, parce qu'ils ont montré des photos de serpents, était innée. Non. Christine Rollin. C'est un peu... Oui, j'ai entendu parler effectivement de cette étude. Je pense qu'il faut vraiment voir dans quel contexte ça a été fait. Et donc, ne pas forcément faire des conclusions trop hâtives. Néanmoins, cette peur, en fait, cette phobie est quand même assez culturelle. Si on regarde un petit peu partout dans le monde, il y a des approches, en fait, selon les peuples ou les régions, qui est complètement positive, avec des gens, des contes. Il y a des régions dans le monde où on flatte l'araignée. On va peut-être pas la flatter, mais la respecter, la connaître, ne pas avoir ce mot phobie derrière, de toute façon, qui n'est pas du tout associé. Donc, vous retrouvez ça en Asie, vous retrouvez ça en Afrique, en Australie, et cette approche, en fait, plus négative est souvent dans la culture occidentale. Alors, pour traiter la peur des araignées, qui touche beaucoup de monde, il existe heureusement des méthodes, et ce sont des méthodes que vous proposez, Christine Rollard, au travers de méthodes de thérapie de désensibilisation. Mm-hmm. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes allé observer une de ces séances au Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, Christine Rollard, vous proposez des séances de désensibilisation pour les gens qui souffrent de peur, d'angoisse, voire de phobie aux araignées. Il ne s'agit pas d'une thérapie psychologique, puisque vous n'êtes pas psychologue, mais vraiment d'atténuer les peurs par un discours scientifique. Vous dialoguez avec vos patients, entre guillemets, pour, d'une part, déterminer la cause, l'origine de l'objet phobique, l'araignée donc, et d'autre part, confronter cette peur aux arguments rationnels sur le plan biologique. Et par cette approche, vous montrez que dans la plupart des cas, eh bien, elles ne sont ni mauvaises ni hostiles à l'homme, et donc qu'il est possible d'apprendre à vivre avec elles. Alors ici, on se trouve en fait au Muséum National d'Histoire Naturelle, mais dans ce bâtiment, en fait, je reçois des gens qui quelquefois ont des peurs, des craintes, voire des phobies sur les araignées, pour essayer d'avoir une approche différente. Vous allez recevoir deux patientes qui ont un rapport assez difficile avec les araignées, et donc vous leur proposez une séance de désensibilisation. En quoi ça consiste ? Voilà, c'est deux personnes qui sont venues déjà une première fois. Une qui était phobique et qui a été accompagnée par une personne qui était elle-même assez phobique. Et là, je vais essayer de voir avec elles où elles en sont depuis la première séance. Donc je les reçois en général dans une pièce neutre, donc sans araignées autour de nous, etc. Jusqu'à une approche, une entrée dans mon laboratoire à proprement parler, où là, il y a des représentations araignées et des araignées dans l'alcool et des araignées vivantes. Et donc là, je vais travailler avec elles sur une approche progressive jusqu'à éventuellement être confrontée à l'animal vivant. Donc voilà, Lumna et aussi Céline. Là, on va aller dans cette pièce-là d'abord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, puisqu'on s'est vu déjà, où vous en êtes ? Alors, Lumna, vas-y, dis-moi. Depuis la dernière fois, du coup. Alors, est-ce que tu as travaillé ? Oui, je n'analyse plus les murs en entrant chez moi. Très bien. J'arrive à prendre des choses qui sont posées dans un coin où je sais qu'éventuellement il peut y avoir une araignée. Bon, je la secoue quand même, mais avant je n'osais même pas y toucher. Par contre, c'est peut-être aussi parce que j'étais un peu plus relaxe, parce que je me disais c'est moins la saison. Néanmoins, moi, quand j'entends ça, si tu veux, comme déjà la première fois tu disais je regarde dans la pièce, etc., ça c'est déjà une super approche. Alors Céline ? Je ne suis pas encore à ce stade. Moi, par rapport... Comment tu as réagi depuis la première fois où c'était quand même un peu difficile, d'autant plus qu'on est allé un peu vite. J'ai essayé d'assimiler quand même les connaissances qu'on avait reçues et de rationaliser. C'est ce que je disais à Lumna. Je dis, moi, quand j'en vois une, ça me glace toujours le sang. J'ai les larmes qui montent, j'ai des frissons, je ne me sens pas bien. Mais je me dis, il faut rationaliser. Elle a des pattes, elle a le droit de marcher, elle a des yeux, elle a le droit de voir, elle a le droit de vivre. Donc j'essaie de rationaliser comme ça. Et je me dis, je me force à le dire à haute voix, je dis, sois rationnel. C'est très bien, c'est un des éléments que je donne quelquefois. Donc tu as encore cet effet de... Moi ça me glace toujours le sang, quand j'en vois une j'ai toujours la surprise. La surprise qui fait deux, vous l'aurez toujours. Ne vous l'enlevez pas, c'est normal la surprise. Mais il faut que cette surprise maintenant, en fait, pour toi aussi, elle soit, je le répète par rapport à ce que j'avais déjà dit, mais il faut qu'on arrête de se dire la surprise est forcément négative. La surprise, ça peut être... Ok, tu m'as surpris, tu m'as fait un petit coup d'adrénaline. Maintenant, je te connais et tu rationalises. Maintenant, je te connais. Ok, tu vas pas venir vers moi. Ok, tu vas pas m'attaquer. Attention, Céline. Tu es venimeuse, mais ton venin n'est pas actif sur nous. Je ne suis pas ta proie. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut dire ça. Oui, rappelle-toi. Tu es venimeuse, tu as besoin de venin. C'est comme ça dans ton monde à toi. Il faut manger. Il faut tuer tes proies, il faut les paralyser. Tu es un prédateur. Donc du coup, c'est normal. Sauf que ce venin n'est pas actif sur toi, puisque tu n'es pas la proie visée. Tu n'as jamais été. D'accord ? On n'est qu'un support. On n'est qu'un support. On est une branche, une feuille, etc. Nous ne sommes rien. Et, rappelle-toi, par rapport à la vision, elle n'a pas une vision qui lui permet, en plus, à très longue distance, de voir ce que tu es. Mmh. Et même si elle voit quelque chose, il n'y a pas d'interprétation dans son système nerveux de se dire « c'est un mammifère prédateur, je vais l'attaquer parce qu'il est dangereux ». Donc ça n'existe que dans les films. Mmh. On est dans la fiction complète, là. Mmh, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien de te remettre dans la réalité. Donc, je vous ai fait venir, en fait, dans la pièce neutre. Maintenant, est-ce que l'une et l'autre, vous êtes prêtes à aller déjà dans ma pièce ? Ou pas ? Oui. Ouais, c'est bon ? Mmh. Bon, ben, on se déplace et on y va. OK. Donc là, on entre dans la deuxième pièce. Donc, on va rentrer, en fait, dans ma pièce, un petit peu. Hein. C'est la pièce, en fait, où là, les gens... Zone sensible, arachnophobe, beware. Voilà, beware. Parce que c'est vrai que, bon, pour les gens qui sont quelquefois un peu arachnophobes, on est dans une pièce, là, où il va y avoir beaucoup d'araignées autour de nous, et en plus quand ils ressortent après, qu'ils rentrent chez eux, quand ils me disent qu'il y en a beaucoup, c'est pas vrai, parce que là il y en a des milliers et on n'a jamais autant d'araignées que dans cette pièce là de toute façon. Donc si on a passé ce cap là c'est déjà aussi très important. Donc on peut approcher, et en plus sur la porte il y a une araignée qui est appelée la Happy Face Spider, hein, qui nous accueille. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de positif. Voilà. En lieu serein, tout à fait, et zen, hein, d'accord. On se détend. Quand je suis venue, j'arrivais même pas à aller regarder les photos. J'appréhende un petit peu moins que la première fois. Voilà. OK. Et on va laisser peut-être Céline rentrer en premier pour qu'elle puisse visualiser, en fait. Hein. Est-ce que vous en voyez ? Oui, ici, là. Et là, c'en est une là-bas ? Qu'est-ce que c'est là ? Ce qu'on voit, c'est les restes de proies, puisque je vous ai dit qu'elles avaient mangé. Elles ont laissé leurs proies, elles les ont emmaillotées, elles les ont laissées en fait en réserve. Ou voilà, après. Il n'y avait pas ça la dernière fois. Et non, parce qu'elles ont mangé depuis. Mmh. Hein, donc du coup, on voit qu'elles ont mangé. OK ? Hein, il faut bien les nourrir quand même un petit peu, ces petites bêtes. Hein, d'accord ? Donc, comment tu te sens ? Je te sens déjà beaucoup moins... Parce que je connais les lieux maintenant, donc... Oui, il y a moins la surprise. Ça va mieux. Oui, il y a moins la surprise et il y a moins d'appréhension. Et bien, en fait, je pense que tu es prête à faire pas mal de choses, en fait, aujourd'hui. Sincèrement, ne doute pas de toi. Mmh. Si je te le dis, c'est que tu es capable de le faire. D'accord ? Non, sincèrement, hein. Alors Christine Rollard, c'est formidable, vous devriez être remboursée par la Sécurité sociale. Ah oui, c'est vrai ça, j'avais pas pensé à ça, pourquoi pas. Mais ça fait partie de la diffusion des connaissances. Les personnes qui viennent chez vous, elles peuvent, pendant la dernière séance, avoir une araignée sur elles, ça arrive ? C'est ce qu'a fait Lumna, en fait, à la fin de cette deuxième séance. Elle avait vraiment envie de passer un cap. Alors je fais en fonction de ce que me demandent les gens. Le but n'est pas forcément d'aller manipuler des araignées, puisqu'il faut apprendre à vivre avec, hein, et les accepter, qu'on les aime ou qu'on les aime pas après. Mais Lumna avait envie, effectivement, comme beaucoup d'autres, hein, d'avoir une araignée, et connaître la sensation d'avoir une araignée qui passe éventuellement sur soi. Ça pourrait éventuellement arriver dans la vie. Et ça a été vraiment un cap très important, et peut-être que Céline y arrivera aussi, parce qu'elle a envie de revenir éventuellement une troisième fois pour passer ce cap-là aussi. Mais chacun va avec sa progression, et le but n'est pas d'aller les manipuler, d'aller les tripoter, de les embêter, hein, de toute façon. Il y a une mode depuis quelques années dans les nouveaux animaux de compagnie, hein, d'avoir des araignées en vivarium, des choses comme ça. Ça a été quand même dans les années 90, où là il y avait vraiment une recrudescence, en fait, de ces NAC, soi-disant. Alors ce ne sont pas des animaux de compagnie du tout, il n'y a pas de relationnel. Mais ça a diminué quand même, hein, donc progressivement. On retrouve bien sûr toujours des éleveurs amateurs qui ont des élevages, mais ça a diminué un petit peu au niveau de ces NAC quand même, malgré tout. Frédéric Isnel, une réaction à ce reportage ? Est-ce que vous accueillez des phobiques sur le terrain quand vous allez... Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Moi, j'accueille plutôt des amateurs. Des arachnophiles. Des amateurs éclairés. Des arachnophiles plutôt que des arachnophobes. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu démuni devant certaines peurs, parce qu'il arrive parfois aussi dans les séances de travaux pratiques que l'on fait que certains étudiants ou étudiantes ne veuillent pas rentrer dans la salle. Et donc, c'est très difficile pour moi de les convaincre, puisque j'ai peu de temps, Et j'ai pas le savoir-faire de Christine en la matière. Mais je voudrais revenir quand même sur l'expérience qui a été faite à l'Institut Max Planck sur les jeunes enfants. Parce que, est-ce qu'on... Donc, rappelons en quelques mots, hein, l'idée c'était qu'on leur montrait des photos d'araignées et on avait l'impression qu'ils avaient les pupilles dilatées. Les psychologues vous disent que la peur est innée, puisqu'ils étaient trop petits pour avoir acquis cette peur de l'araignée. Voilà, alors ça m'a un petit peu interpellé aussi, donc je voudrais échanger avec Christine à ce sujet-là, parce que est-ce qu'on peut pas, je crois qu'ils ont émis l'hypothèse, finalement, qu'il y avait quand même dans le cerveau certaines zones qui, en fait, étaient sensibles au stimulus de la peur, et que ces zones-là, en fait, étaient en quelque sorte, finalement, une espèce de réminiscence d'un cerveau primitif qui avait, de toute façon, enregistré des menaces répétées au cours de l'évolution, face donc à un danger, et que finalement, le fait de voir cette image d'araignée faisait que cette partie du cerveau, en quelque sorte, simplifiant, redevenait active et en fait engendrait par des processus neurophysiologiques en fait le symptôme de peur, quoi. Oui, effectivement, mais comme en discutant justement avec un certain nombre de psychologues depuis que je fais des séances, on m'a tout de suite dit qu'effectivement on avait certainement été confronté dans notre vie à des araignées avec un côté danger, avec des défenses de territoire, qu'on avait éventuellement dû se défendre par rapport à des araignées géantes. Et c'est là qu'on voit qu'il y avait une méconnaissance complète en fait du monde des araignées. D'où le fait que je pense que cette interprétation est un peu exagérée, même si peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont effectivement réactivées, mais pas par rapport à ça. Je pense qu'il faut une interprétation différente par rapport à autre chose, par rapport aux araignées elles-mêmes. On n'a jamais été confronté avec des araignées géantes. Il n'y a pas d'araignées géantes, c'est ça ? On n'a pas trouvé de traces fossiles d'araignées géantes. Et depuis que l'homme... Il y a des grosses araignées, mais il n'y a pas d'araignées géantes. Voilà, hein, la plus grosse fossile ne fait même pas la taille de la plus grosse actuelle. Et du coup, cette approche de peur face à un animal qui aurait pu effectivement être déclenché depuis que l'homme est là. Hein, c'est quand même largement beaucoup, beaucoup plus récent quand même. Donc on n'a jamais été confronté, hein, depuis qu'on est là, à des problématiques par rapport aux araignées, quoi, ou à la défense de territoire, comme je disais tout à l'heure, et des agressions en fait de la part des araignées. La plus grosse araignée actuelle, c'est quoi ? C'est la taille d'une assiette à soupe ? Avec les pattes un peu étalées quand même. Hein. Taille du corps, ça fait autour de 13-15 cm de taille de corps. Donc 30 cm avec les pattes étalées. Mais enfin bon, les araignées ont toujours les pattes articulées et plutôt pliées. Hein, donc, et la taille, encore une fois, et on le répète, ne fait pas forcément un danger. Hein, donc on n'associe pas taille et danger aussi derrière. Frédéric Isnet, je voudrais revenir aux observations de terrain. Finalement, est-ce qu'il y a des bons moments quand on est dans la nature pour voir les araignées dans la journée, une saisonnalité ? Il y a une saisonnalité pour voir les araignées adultes. Il faut savoir que bon, les araignées, il y en a finalement quasiment toute l'année. Simplement, à certaines périodes de l'année, elles sont à ce qu'on appelle à des stades juvéniles ou immatures, donc très très petites, donc difficiles à observer. Et les meilleures périodes en France, ou notamment dans l'ouest de la France, pour observer les araignées adultes, donc très visibles, c'est au printemps, classiquement, donc sur les mois de mai et juin, où là on va pouvoir percevoir une diversité d'espèces assez grande sur le terrain. Et puis après, vous avez une autre vague d'araignées qui arrive, araignées automnales, qui sont adultes d'automne et qui arrivent en septembre-octobre, qu'on peut voir facilement sur le terrain. Mais elles sont là toute l'année, soit à l'état d'œuf, soit à l'état de juvénile. Christine Rollard ? Oui, je précise, et c'est très bien que Frédéric puisse le dire, c'est que souvent les personnes nous disent « mais elles sont où pendant l'hiver ?» Donc on ne les voit pas, elles ne sont plus là. Et effectivement, elles sont bien présentes, mais à des stades complètement différents et peu visibles de toute façon dans la nature. Mais à quoi les repérer ? Parce que finalement, on a dit que si toutes les araignées faisaient des soies, toutes les araignées ne font pas de toile. Alors, l'indicateur qui serait la belle toile, celle qu'on a tous en tête, c'est un faux indice. Ah oui, c'est un faux... Ou en tout cas, un indice partiel. Voilà, uniquement. Toutes ne font pas de toile géométrique. Les toiles peuvent être en nappe, en tube, en réseau. Donc, il y a différents types de toiles. Et après, on peut voir des films de déplacement seulement. Hein, donc, la présence des araignées peut être visible avec des films de déplacement. Puis après, effectivement, il faut bien ouvrir les yeux, les chercher. Puis, il y a des méthodes d'échantillonnage et de capture, hein, donc, qu'on utilise sur le terrain et que, justement, Frédéric utilise beaucoup quand il doit faire aussi, tout comme moi, des inventaires, en fait, dans différents milieux. Comment vous faites, Frédéric Isnel ? Vous avez des filets à papillons, à araignées ? Oui, enfin, ce sont pas tout à fait des filets à papillons, c'est un petit peu plus solide. Oui, effectivement. En fait, on va viser des endroits où on sait qu'on va avoir divers types d'araignées, diverses espèces. Donc, la méthode la plus courante, c'est d'utiliser une sorte de filet fauchoir, comme un gros filet à papillons, mais à maille beaucoup plus solide. Et on va faucher la végétation, enfin, faire des mouvements de faux, en quelque sorte. Ce qui permet de récupérer, donc, des araignées dans cette toile assez facilement. Des araignées qu'on ne voit pas, finalement, qu'on n'aurait pas pu chasser à vue. Et puis, la méthode la plus couramment employée, c'est la méthode du piégeage au sol. C'est-à-dire qu'en fait, on peut enterrer ou à la surface du sol des pièges qui sont des petits cylindres, en fait, dans lesquels on met un entonnoir et à l'extrémité de cet entonnoir, il y a un petit flacon collecteur et les araignées en déplacement et uniquement en déplacement en fait vont se trouver piégées et descendre dans l'entonnoir et on récupère les collecteurs régulièrement qu'on remplace d'ailleurs, ce qui permet en fait de savoir celles qui se déplacent le jour, la nuit, et ce sont des outils qui permettent de travailler en fait pendant que nous on fait autre chose. Après on peut aussi les chasser. Un bon arachnologue est capable de débusquer des araignées à vue et de les ramasser. Donc il faut avoir l'œil, il faut avoir se mettre à la place d'une araignée, se dire tiens là sous cette écorce je serais bien, tiens sous cette pierre je serais bien, tiens là juste sous cette feuille je serais pas mal. Donc et souvent on en trouve quoi. Alors donc, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus qu'une minute avant la fin de l'émission. Je voulais juste, Christine Rollard, vous faire réagir sur les techniques de séduction des araignées. On passe à un autre sujet, mais il y a des trucs qui sont tellement rigolos et étonnants que est-ce que vous pouvez en citer un? Oui, parce qu'en fait comme les araignées peuvent se manger entre elles, donc à un moment donné, au moment de la reproduction, les mâles doivent développer des stratégies d'approche pour diminuer l'agressivité. Et certaines, comme les araignées sauteuses, donc qui ont une vue assez perçante et qui verraient en couleur, donc les mâles font des danses nuptiales devant les femelles. Et on peut trouver d'ailleurs sur le net, hein, sur le réseau, des petites séquences de d'araignées pan qui font la danse. Ça, on va mettre le lien le fil Twitter de Peacock Spider. De la méthode scientifique. Voilà, tout à fait. Il y en a une aussi, le mâle tourne un petit peu en douce. Oui, ça fait partie des araignées crabes, là, cette fois. Et le mâle, pendant sa danse, va tourner autour de la femelle et dévider des fils de soie et la scotche un peu sur le support. Alors, on va terminer cette émission un petit peu plus tôt que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. France Culture célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à cette occasion, vous avez pu entendre toute la journée, sur notre antenne, la lecture d'articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, lu par l'écrivaine Sylvie Granotier. Alors, tout de suite, dans la méthode scientifique, nous allons écouter l'article 25. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans tous les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Alors, c'est la fin de cette émission. On arrive à la fin de la méthode scientifique. Nous parlions des araignées avec nos invités du jour. Christine Rollard et Frédéric Isnel. Frédéric Isnel qui était en duplex depuis Rennes chez nos amis de France Bleu Armorique. Nous les remercions au passage évidemment. Christine Rollard, vous avez coécrit avec Abdelkader Mokedem chez Duno « Je n'ai plus peur des araignées ». C'est vraiment pile poil dans le thème de l'émission. Frédéric Isnel, il y a quelques années déjà, vous avez fait un bouquin qui s'appelle « Les araignées » avec Alain Canard, mais j'en suis sûr, il est toujours plein d'infos pertinentes. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique Amine El-Mansari. Demain, ça sera un tout autre sujet puisqu'on va parler des ondes gravitationnelles. On va se demander si on les a bien entendues. Et donc ce sera demain à 16h, évidemment jusqu'à preuve du contraire.